France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. On croit toujours que le meilleur de la comédie musicale est né en Amérique. On connaît certes quelques Britanniques comme Andrew Lloyd Webber, le compositeur du Fantôme de l'Opéra et de Cats, mais on n'attend rien vraiment de la perfide Albion. Mais non, que nenni, ce matin, je vous propose de découvrir deux Britanniques pur jus qui en ont écrit des tubes et ont connu le succès jusqu'à Broadway. Anthony Newley, Leslie Bricusse. En avant la musique. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will define explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life I know that compares with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world? There's nothing to. There's no life I know that compares with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be. About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world was ready for a to the past. Leslie Bricusse est britannique et touche à tout. Il est compositeur, il est parolier, il est aussi metteur en scène et à ses débuts acteur. Et c'est lui qui a écrit les paroles de cette chanson et de toutes les chansons de Victor Victoria, le film de Blake Edwards, appelé pour cela par son ami, le compositeur américain Henry Mancini. Dans les années 80, Leslie Bricusse écrira d'autres chansons 10 ans plus tard pour l'adaptation rocambolesque à Broadway du film, toujours mise en scène par Blake Edwards et toujours avec Julie Andrews. Et puis pour débuter, une des plus tendres chansons de Leslie Bricusse en tandem avec Anthony Newley. C'est une chanson extraite de Willy Wonka et la chocolaterie adaptée du roman jeunesse de Roald Dahl. Une chanson intitulée Pure Imagination. Il y a quelques mois, Laurent Naouri était venu l'interpréter en direct sur la 42e rue au studio 105 lors d'une carte blanche à Laurent Pelly. Et il était accompagné par Thierry Boulanger au piano et Thierry Solaire à la contrebasse. Le prochain cabaret 42e rue, pour info, plein de surprises, ça sera dimanche prochain, ici même à France Musique, au studio 105. Ce matin, vous allez entendre beaucoup de chansons que vous connaissez sans savoir qu'elles sont dues donc à ce duo d'auteurs britanniques que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, Anthony Newley et Leslie Bricusse. Par exemple, je suis sûr que vous connaissez celle-ci. Alors, je vous laisse entendre la version peut-être que vous connaissez et puis après vous entendrez la chanson dont son jus à sa création dans leur deuxième comédie musicale qui s'appelait The Roar of the Grease Paint, l'odeur du maquillage. Mais d'abord, c'est à vous, George Michael. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel.

Feeling Good, une chanson écrite par Anthony Newley et Leslie Breakus pour leur deuxième comédie musicale The Roar of the Grease Paint, à l'instant dans son jus lors de la création du spectacle en Angleterre, créé par l'acteur-chanteur noir Cy Grant, et puis juste auparavant une version plus cuivrée par George Michael. C'est Nina Simone qui avait popularisé la première cette chanson extraite de cette comédie musicale. Car des covers de leurs chansons, nos deux auteurs ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, Anthony Newley et Leslie Breakus, les ont collectionnés. Tenez, leur première comédie musicale s'intitule Stop the World, I Want to Get Off. Et c'est un succès immense. Une histoire inspirée du personnage de Jacques dans Comme il vous plaira de Shakespeare. Ça raconte les sept âges de la vie d'un homme, de la naissance à la mort, en passant par le succès. Le spectacle est une métaphore, un périple. Le décor, c'est un petit cirque ambulant. Et son héros peut, à tout moment, lorsqu'il se passe quelque chose de gênant ou de désagréable dans sa vie, figer tout, se tourner vers le public en criant « Arrêtez tout, je veux descendre ». Et il peut se mettre à commenter ce qui se passe. C'est le titre du spectacle. Ça sera créé en dehors de Londres, ça sera ensuite monté à Londres et à Broadway, avec des chansons qui seront reprises par des célébrités comme Aretha Franklin, Once in a Lifetime. Yeah. Once in a lifetime. Woman knows a moment. One wonderful moment when fate takes her hand. Like a giant, and I soar like an eagle, as though I had wings. For this is my moment. My destiny calls me, and though it may be just once in a lifetime, I'm gonna do great things. Just once. Once in my lifetime, ooh, I feel like a giant, and I soar like an eagle. Just as though I had wings. For this is my moment. My destiny calls me. And though it may in my lifetime, I'm gonna do who great things. I'm gonna do who real things. I'm gonna do real big things. What kind of fool am I, who never fell in love. It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of fool I am. C'est Sammy Davis Jr. qui apporte la notoriété à ses deux auteurs jusqu'à Broadway, Leslie Bricusse et Anthony Newley. Il est en concert en 1961 à Londres pour une série de concerts. Durant plusieurs semaines, il tombe totalement sous le charme de ce spectacle qu'il vient de voir. Stop the World, I want to get off. Et il en enregistre comme ça quatre chansons dans un mini 33 tours qui fera le tour du monde. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et vous pouvez nous suivre et nous envoyer vos commentaires sur la page de 42e rue sur Facebook et même sur le Twitter de 42e rue. Restez avec nous tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, à la fin de l'émission, j'aurai de magnifiques nouveaux coffrets de Judy Garland à vous offrir. Alors qui sont donc Anthony Newley et Leslie Bricusse? Eh bien le second est tombé dans le théâtre musical et la musique tout court, tout petit. Il a grandi dans la banlieue de Londres au son de George Gershwin et dès la fac, il se met à composer et à mettre en scène des revues musicales, drôles, imaginatives, qui font venir le tout Londres, y compris l'actrice américaine Béatrice Lilly qui lui demande de participer à son show à Londres. En fait, elle va lui mettre le pied à l'étrier et grâce à elle, il va rentrer dans le monde du showbiz. Quant à Anthony Newley, il est né carrément pour jouer, à 14 ans d'ailleurs par exemple. On le voit dans l'adaptation au cinéma de Oliver de Charles Dickens par David Lean. Le passage pour Anthony Newley à la chanson se fait quasiment par accident. En fait, il incarne dans un film Idol on Parade un sosie d'Elvis Presley. Il interprète une chanson qui se hisse en tête du hit parade. À son tour, il devient une idole avec une chanson intitulée donc I've Waited So Long. Je trouvais qu'un peu de rockabilly ce matin pour vos oreilles sur France Musique, c'était pas mal aussi. So long. So long. I've waited so long. So I've waited so long, a lifetime it seems, for someone to step right out of my dreams. All that an angel could be and meant for only me. Play me a tune, haunting and blue. Tell me of dreams that never come true. Sing me a lonely song till she comes along. It will be so wonderful when love comes my way. No more lonely hours, they'll just fade away. Someday we'll meet somewhere I know. We'll kiss and say, I love you so, darling. Surely I can't be so wrong, for I've waited, yes, I've waited so very long, so long, my darling, so walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She is wise, like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl. A pretty little face, that face just knocks me off my feet. A pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. face. That face just knocks me off my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks, and she cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. Yes, my poor heart's in a whirl. She's just my kind. She's a girl, and I'm glad. I've waited too long, c'était Anthony Newley tout à l'heure dans le film Idol on Parade en 1959 et à l'instant, une chanson co-écrite par Leslie Bricusse, reprise par Frank Sinatra et Count Basie, My Kind of Girl. Alors comment ils se sont rencontrés, les deux britanniques, Anthony Newley et Leslie Bricusse, la rock star et l'auteur-compositeur? Eh bien tout simplement au cours d'une soirée où ils sympathisent et décident d'écrire ensemble. Ça tombe bien parce que l'hippodrome de Brighton appelle Anthony Newley, la rock star, pour lui proposer sa salle pour tout l'été. Charge à lui de créer une revue avec 10 jolies filles. Mais voilà, une revue, c'est trop compliqué à écrire en 2 mois. Trop de sketchs, trop de numéros qui doivent faire feu de tout bois. Alors, avec Leslie Bricusse, ils imaginent une pièce de théâtre musical avec une arche narratrice déjà là. Une arche narrative déjà là. Une arche narrative inspirée par Shakespeare. Ça sera Stop the World, I Want to Get Off. Anthony Newley mettra en scène cette comédie musicale. Il va incarner le personnage principal avec une voix légèrement écorchée qui va faire sensation. En fait, une comédie musicale qui raconte les épisodes de la vie d'un homme, de la naissance à sa mort. Un homme avec, évidemment, au début de sa vie, beaucoup d'ambition. Écoutez Anthony Newley qui interprète au début du spectacle « I Want to be Rich ». Take a look at me. A minute ago, I didn't know me elbow from me arse to simply anyone. Go and ask anyone. They'll tell you I was greener than the grass. Ooh, what a mess I was. Yes, I'll confess I was. Like a burbling bloody baby at the font. You don't know the half of it, but now I just laugh at it. 'Cause now I know exactly what I want. I want to be rich. Have money to burn. 1,000 a week, say, would do me a turn. I'd keep it in onces in case of a slump. I'd have stacks and stacks and the income tax could take a running jump. I'd have all me suits made, 12 a time. I'd buy all the best shares provided they climb. Give me half a chance, a small advance, me fingers itch to make me dirty, rotten, filthy, stinking rich. Eerie me, hang on! Take a look at me, a quick butcher's hook at me. Now, a minute ago, I didn't know a cockle from a whelk. Can you imagine it? I mean, just imagine it. Fancy not knowing a cockle from a whelk. Ooh, what a nit I was. Yes, I'll admit I was. Like a sloppy, floppy puppy with a ball. And then, without reason or rhyme, I was chatting this bird at the time. I heard a sort of voice within me call. I want to be rich and have a big house. Big deal! With hundreds of acres. And pheasants and grouse. Sunspeel! An American car as long as a street. And the local birds will be lost for words. It'll knock them off their feet. Oh! Women drivers. I want to be famous and be in the news. Go out with a film star whenever I choose. Give me half a chance to lead a dance with some rich bitch, and I'll be dirty rotten filthy thinking. He wants to be rich. Here he. With money to burn. Hang on. $1,000 a week, say. We'll do him a turn. He keep it in one size. Easy. Wait. He has tax and sacks, and the income tax can take a running jump. He happily seems made a dozen a time. He buy all the best shares, provided they climb. Easy. Give him half a chance to small advances paid. I want to be rich and mix with the knobs and sit in the best seats with all of the snobs. I may go to Ascot to take in the scene. In me grey top hat, me spats and that, I'd be company for the Queen. I want to go travelling to Cannes and Capri. The French Riviera is my cup of tea. Give me half a chance in the south of France to make my pitch. And I'll be dirty, rotten, filthy, stinking. I can hear the lolly jinking. Lots of birds, lots of drinking. I can guess what you're all thinking. Dirty, rotten, filthy, stinking. Who can I turn to when nobody needs me? My heart wants to know, and so I must go where destiny leads me. With no star to guide me and no one beside me, I'll go on my way, and after the day, the darkness will hide me. And maybe tomorrow I'll find what I'm after. I'll throw off my sorrow, beg, steal or borrow my share of laughter. With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn away? With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn away? Tony Bennett, Who Can I Turn To, extrait de la deuxième comédie musicale de Anthony Newley et Leslie Bricus. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Elle s'appelle The Roar of the Grease Paint, en français l'odeur du maquillage. C'est encore un spectacle plein de métaphores, où cette fois on parle de lutte des classes. Les deux personnages principaux sont un maigre ouvrier et un gros aristocrate, une sorte de duo à la Laurel et Hardy. Et le premier va essayer de se hisser au niveau du second, qui n'aura de cesse évidemment de le rabattre, entouré de plein de personnages secondaires. Au cours d'un des premiers numéros, le bourgeois fait la leçon en musique sur la façon de se tenir en société, par exemple. Un numéro intitulé « Things to Remember », il y a tant de choses à se souvenir lorsqu'on est en société. If you want to grow up to be a gentleman, my child, you have a great deal to learn. There are so many things to remember as you travel the highway of life. Like always be kind to your husband, or if you're a man, to your wife. You must never shoot trout in September. You must never feed babies on gin. Don't ever play poker on Sundays unless you are certain to win. Ha ha! Don't go out of your way seeking danger. Never stand on a crocodile's tail. Never buy London Bridge from a stranger unless you can make a few bob on the sale. Don't waste time with the friends that repel you. And don't ever drink soup with a knife. Don't buy what those gypsy girls sell you. And if you remember these things that I tell you, by hell you'll do well all your life. When I think of the good things that life has to give, I'm reluctantly forced to agree that the number of people who know how to live is restricted, quite simply, to me. For life is like cricket, we play by the rules, but the secret which few people know, which keep men of class well apart from the fools, is to think up the rules as you go, do-do-do-do-do. There are so many things to remember when you study the fruit of the vine, and I am a hell of a student, and that's why I drink so much wine. Oh, I do beg your pardon. Drinking Cointreau with salt, beef and mustard is of course gastronomically wrong. And don't ever eat curry with custard. You'll find that it never stays down very long. Don't drink champagne from soggy old slippers, though this barbaric custom is rife. Don't lift up a whale by its flippers, and only buy claret from certified shippers. Avoid eating goulash with ice cream and kippers. Remember these things, you obnoxious young nippers, and you will do well all your life. So cheers, me dears, and here's to life. Anthony Newley compose, Leslie Bricusse écrit les paroles, et il donne souvent des naissances à des numéros très drôles dont ils sont familiers, comme par exemple le moment où l'ouvrier incarné par Anthony Newley, qui croit avoir pris le dessus sur le noble, le notable, l'aristocrate, se rend compte de son erreur. En fait, il n'est qu'un joker. The joker is me. There's always a joker in the pack. There's always a cardboard clown. The poor painted fool falls on his back, and everyone laughs when he's down. There's always a funny man in the game, but he's only funny by mistake. But everyone laughs at him just the same. They don't see his painted heartbreak. They don't care as long as there is a jester, just a fool as foolish as he can be. There's always a joker, that's a rule, but fate deals the hand, and I see the joker is me. The game, but he's only funny by mistake. But everyone laughs at him just the same. The they don't see his painted heart break. They don't care as long as there is a jester, just a fool as foolish as he can be. There's always a joker, that's a rule, but fate deals the hand and I see the joker is me. The joker is me. The joker. Take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two, the Candyman. Oh, the Candyman can. Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. My name is Willy Wonka. I make chocolate. Quite simply, the greatest invention in the entire history of the world. Whoever could there be who doesn't love the tooth-tickling, tongue-tastical taste of a sweet bar of soft milk chocolate? Except dogs, of course. It's poisonous to dogs. But apart from dogs... There comes a time in every chocolatier's life, when the chocolate he makes turns dark. And bitter. And that's when he knows it's time to lay down his spoon, to hand it over to someone else, someone new. The only question is, who can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make a strawberry lemon pie? I need to find a new me. A candy man, but who can catch a candy man? Oh, a candy man can. Yes, a candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. I have to go back out into the world. The world. I haven't been out there in a very, very long time. Well, what are you waiting for? Let's go! The Candyman makes everything he bakes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Who can take tomorrow? Who can take tomorrow? Separate the sorrow and collect up all the cream. The Candyman. The Candyman. Oh, the Candyman can. Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. And the world tastes good 'cause the Candyman thinks it. En 1971, le duo britannique Anthony Newley, Leslie Bricusse adapte le roman pour les enfants Charlie la chocolaterie et en font un film musical qui deviendra un classique. Tellement classique qu'aujourd'hui, alors que Charlie la chocolaterie est à l'affiche à Broadway dans une nouvelle version composée par Mark Shaiman, il n'a pas pu faire autrement que d'incorporer des chansons qui avaient été écrites par Anthony Newley et Leslie Bricusse comme The Candyman. C'était à l'instant Christian Borle. En 1972, enfin, leur troisième comédie musicale s'intitule The Old Good Bad Old Days. Là encore, c'était une revue historique et satirique qui commentait avec philosophie et ironie quelques grandes scènes de l'histoire de l'humanité, de la guerre de sécession ou de la Révolution française. Voici la chanson titre interprété par Anthony Newley. Don't you realize we're living today? I'm happy to say in the good old bad old days. Taking the breaks and making mistakes in the good old bad old ways. to see tomorrow. Nevertheless, I guess we've gotta confess, these are the good old bad old days. Day to day you're either up or you're down, a king or a clown. In the good old bad old days, it's heaven or hell, it's hail or farewell. In the good old bad old days, looking around the world that surrounds me, I think, good God above. But I have found one thing that astounds me, the world's still full of love. And I realize, come rain or come shine, they're yours and they're mine, all these crazy mad old days. In war or in peace, they'll still never cease to amaze. There's no in between, they'll worship or shoot you. Still I have a feeling in the far off future, people will say when they look back at today, those were the good old bad old days. Thought that one little kiss, soft and sweet, from the lips of a lovely girl would change my life. But by my life, it will. After today, nothing will be the same again. After today, I'll make my claim to fame, and then the grass will be greener, and the air will be cleaner, and my life be serener than heaven knows when. Heaven knows when. After today, I shall have bid my fears goodbye. After today, I shall have no more tears to cry. I'll learn to live with laughter, to stay after today. After today, nothing will be the way it was. After today, I'll say, oh, what a day it was. My heart will be lighter, and my smile will be brighter, and I'll be twice the fighter than ever I was. Clever, because after today, I shall have bid my fears farewell. After today, I shall have no more tears to quell. I'll learn to live with laughter, to stay. After the tears comes the laughter. After today. Anthony Newley, en 1967, dans le film avec Rex Harrison, Docteur Dolittle. C'est une composition de Leslie Bricusse. C'est peut-être la dernière plus chère comédie musicale hollywoodienne. Ça sera pas un très grand succès. Et Anthony Newley interprétait l'assistant du Docteur Dolittle. En tout, la carrière de ces deux personnages, ce matin, qui étaient sur la grande affiche de la 42e rue, est assez impressionnante. Leslie Bricusse habite aujourd'hui notamment dans le sud de la France. On lui doit une vingtaine de films ou comédies musicales, soit en tant que parolier ou en tant que compositeur. Jekyll and Hyde avec Frank Wildhorn, c'est lui qui a écrit les paroles de Goldfinger, notamment la chanson. Quant à Anthony Newley, il a disparu en 1999. Vous retrouverez la programmation de cette émission, évidemment, sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Et dans l'actualité des comédies musicales, de beaux nouveaux coffrets autour de Judy Garland, signé Laurence Schulman, spécialiste de Judy Garland. Un double CD d'abord qui reprend des titres interprétés par Judy dans tous ses films entre 1929 et 1961. De ses tout premiers films comme A Holiday in Storyland à Little Drop of Rain en 1962, c'était dans le dessin animé Gay Puri. Et puis un magnifique coffret, 4 CD avec les grands duos de Judy Garland en compagnie de Mickey Rooney, Sophie Tucker, Frank Sinatra ou Johnny Mercer. Il y a même 15 titres inédits. J'ai pour vous 3 coffrets de chaque à votre disposition pour les remporter et tenter votre chance. Vous nous écrivez par l'onglet Contact sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Judy Garland avait aussi interprété des chansons d'Anthony Newley et Leslie Bricusse comme ce Once in My Lifetime. Just once in a lifetime, there's one special moment, one wonderful moment, when fate takes your hand, and this is my moment. I was in a lifetime when I can explore a new and exciting land. For once in my lifetime, I feel like a giant. I soar like an eagle, as though I had wings. For this is my moment, my once in a lifetime. And though it may be just once in my life, pour remporter l'un des 6 CD que je vous offre ce matin. Vous nous écrivez, vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous tapez sur le bouton contact et vous avez jusqu'à mardi soir à minuit. On se retrouve dimanche prochain en direct, en public au studio 105 pour un cabaret 42e rue que je vous promets plein de surprises. Vous pouvez réagir et nous suivre sur Twitter et sur le compte Facebook de 42e rue. 42e rue proposé par Laurent Vallière, ce matin avec à la cabine Antoine Giraud, à la technique Frédéric Potry et à la réalisation Antoine Courtin. Rideau ! Merci d'écouter France Musique. Il est midi. Vous retrouvez tout de suite Stéphane Grant. Bonjour. Bonjour Laurent Vallière et on vous retrouve bien sûr dimanche prochain à 11h pour un nouveau numéro de 42e rue. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.